بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم لفتاوى لصفحة فتاوى الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى. كيف فتاوى كلايمي كتوفيت يعني كتورجل للأضاحي. فأبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم سنكمل هذه الدراسة هذه الفتاوى بهذه الأسئلة الأخيرة بإذن الله تعالى. On va finir inchallah cette série de questions-réponses aujourd'hui avec celle-ci. Tout d'abord, il a dit le shir qu'il est recommandé de faire sadaqa de cette viande ou d'en faire cadeau. Bidalil qulillahi ta'ala fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir wa qawluhu ta'ala fakulu minha wa at'imu al-qani' al-mughtar. C'est-à-dire dans le sens que Allah il dit mangez-en et nourrissez-en, mangez-en et nourrissez-en le pauvre besogneux. Il dit dans un autre verset le pauvre et mendiant. Non. ثم سئل هل يجب على المضحي أن يتصدق من أضحيته أم على سبيل الاستحباب. Donc là il a dit la question qui revient à ce que le chef venait de dire. Est-ce qu'il est obligatoire à celui qui égorge de faire sadaqa de ce sacrifice, ou cela c'est juste mustahab, c'est recommandé? Il dit c'est mustahab, c'est recommandé. Il a dit qu'il y a des ulama comme Ibn Hazm et certains dans le mazhab Hanbali qui l'ont rendu obligatoire. Mais ce qui est plus authentique, c'est que cela n'est pas obligatoire. Et donc il est permis, comme nous l'avions cité dans d'autres questions auparavant, qu'il est permis de tout, il est permis de tout manger s'il le veut. Mais le meilleur, d'accord, ce qui est de mieux à faire, c'est qu'il en fasse cadeau. Ou sadaqa, comme le démontre le verset, ou les versets qu'on a pris précédemment. Et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une année, avait ordonné aux sahaba de ne pas conserver de viande après 3 jours. Et en plus, par la suite, cela a été abrogé. Donc il a dit, mangez ce qu'il vous plaît, on va dire, de vos viandes. Non, c'est un hadith qui va arriver, Inch'Allah. Donc la question, pareil, elle vient là maintenant, et la réponse vient de se procéder. Yani, hal yajouz an yudakhar akthar min thalathati ayyam. C'est permis qu'on la conserve 3 jours. Et là, on vient de répondre. Et que le hadith, il a été abrogé. Le hadith qui était venu, il était abrogé. À la base, c'est un hadith rapporté par Muslim selon Bouraïda. Et le hadith qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كنت نهيتكم عن حبس لحم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ودخروا وتصدقوا. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam selon Bouraïda que je vous avais interdit de garder la viande des sacrifices plus de 3 jours. Donc maintenant mangez-en et conservez-les et faites-en charité. C'est-à-dire conservez-les comme vous voulez. ثم سئل كم المقادير التي يتصدق منها. Quelle dose, quelle quantité doit-on faire sadaqa? هذا la réponse, il est dit, il n'y a pas de quantité précise. Et ce qui a été rapporté de Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit que lui il voit qu'on divise la viande en 3, comme on l'a expliqué. Ça, c'est le call de Shafi'i, son call, son avis. Un tiers qu'il mange, un tiers dont il fait sadaqa, et un tiers dont il fait cadeau. Mais cet avis-là, c'est juste à Sabil al-Istihbab, le côté recommandé, c'est tout. Et c'est son avis. C'est pas une chose qu'il a rendu obligatoire. Lui, son ijtihad, il a vu que c'était un bon partage comme ça. Cependant, il n'y a aucun dalil venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui appelle à cela. Mais celui qui le fait, m'a fiché, il a le droit. On m'a expliqué, tiers, huitième, dixième, comme il veut. C'est son haq. طيب ثم سئل بعد ذلك اذا حصل للاضحيه المرض بعد تعيينها وكذلك هل يجوز ان يجعلها وليمه بعد تعيينها او يجعلها عقيقه او يجعلها ضيافه. Donc maintenant il dit que si jamais la question, si jamais l'animal par exemple tombe malade après que la personne l'ait acheté et fait la niya d'en faire une adhiya, l'animal est tombé malade. Parce que lui, il va expliquer, dans des questions là que j'ai pas lues, parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu, on va pas dire hors sujet, mais qui vont rallonger le cours et que, là, on peut résumer, que là, à partir du moment où tu as pris ton animal pour le sacrifier, et dans la main, ils disent qu'il faut que tu le prononces. Quand tu achètes l'animal, tu dis ça, cet animal-là, c'est pour le adhiya. Donc, dans la main, ils disent non, du simple fait que tu l'as acheté avec une niya, ta niya suffit. Et ça, c'est l'asl. Donc elle dit que cet animal-là, il prend le hukm du nazar, du vœu. En fait, cet animal, tu l'as acheté et tu en as mis pour l'intention de dégorger pour l'Eid. Donc il dit que ça prend le jugement du vœu. Ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il a dit ça. Il a dit, c'est pas comme un vœu. C'est pas un vœu. Shabbat Nizam, il a dit. C'est pas genre t'as fait un vœu. Mais genre, en fait, tu dois te tenir, en fait. T'as pris un engagement, tu dois te tenir. En fait, c'est ça qu'il va pas comprendre. C'est une comparaison qu'il va faire. Car sans quoi, celui qui ne tiendrait pas son engagement, par exemple, quelqu'un qui a acheté un animal pour l'égorger, après il le fait pas, il n'a pas jeûné 3 jours. Kafar, il n'y a pas de kafar. Il n'y a pas de dalil. Mais lui, il dit que c'est un engagement que tu as pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu dois te tenir. Donc c'est obligé que tu le fasses. Donc il a dit, c'est comme le vœu, mais il n'a pas dit, c'est genre le jugement. Il y a un précis dans les règles, ce sont les règles du vœu, du nazar. Ah, takriban ma'na kalami. Donc il a dit là, si l'animal tu l'as acheté, et que avec une niya d'en faire, une adhiya, donc là il dit ça devient comme le vœu, tu dois te tenir en fait, et qu'il n'est pas permis de l'égorger pour une walima, ou pour une aqiqa, ou pour autre chose. Tu restes sur ta niya. Animal, tu l'as acheté pour faire une adhiya, tu en fais une adhiya. Quand même ? T'as compris ? La question c'était, quelqu'un il a pris un animal avec la niya d'en faire une adhiya. Par la suite, l'animal est tombé malade. Est-ce qu'il peut changer sa niya en faire autre chose ? Il a dit non. L'animal il reste ce que tu en as fait un vœu. Comme il va le dire plus tard, c'est comme un waqf. Pas un waqf. Quand tu as fait un waqf, il a dit par exemple, ces livres, je les laisse en waqf pour le masjid. À partir de là, tu ne peux plus récupérer les livres, c'est fini. C'est fini, c'est un waqf pour le masjid. Pas revenir changer de niya. Tu peux pas. Donc voilà, c'est pareil en fait. Lui, en fait, il a parlé du vœu et même du waqf. Donc cet animal-là, c'est comme si on avait fait un waqf pour Allah, c'est-à-dire que tu vas l'égorger. Et après, tu te tiens aux règles de l'égorgement, dans tria. Donc tu ne peux pas, une fois que tu as acheté l'animal et tu as mis une niya, tu ne peux pas changer de niya. Ma'ada wal khulasa. ماذا سئل ماذا إذا أصابها العيب بعد أن عينها. Donc qu'en est-il si jamais le défaut, l'animal est atteint du défaut, des défauts qu'on a cités la dernière fois, c'était quoi les 4 défauts? Tu t'en rappelles? 4 défauts sur lesquels les ijma, c'est lesquels, c'est quoi? Aywa, atakul awra, atakul marad. يعني البين المرض البين مريضها maladie claire يا وين يعني يا أعرج يعني كل أعرج يعني أرجع يعني بوت نعم بتكسي وكو نعم والآخر أيوة عشفة يعني خمك حزيلة أحسنت. Donc il dit maintenant la question, si jamais un de ces défauts apparaît après qu'il l'a acheté, c'est-à-dire qu'elle ne l'avait pas quand il l'a acheté. Mais une fois qu'elle l'a acheté, c'est venu. Par exemple, il s'est cassé la patte. Ou il arrive un truc et il s'est crevé un œil. Ou elle est tombée malade et elle est toute maigre. Quand même. Ou elle a une maladie qui est apparue par la suite. Il dit cela, mais adour, ça nuit en rien. Il l'égorge, d'accord ? Car le défaut qui a apparu, il a apparu une fois qu'il l'a acheté. Lui, il l'avait acheté, elle était saine. Non, l'autre question, c'était est-ce qu'il change de dîner pour faire autre chose ? Là, maintenant, il dit est-ce que ce sera valable ? L'autre question, c'est est-ce que si l'animal tombe malade après qu'il l'a acheté, est-ce qu'il peut en faire autre chose avec ? Il a dit non. La question, c'est maintenant, si jamais un des défauts qui apparaît, une fois qu'il l'a acheté, est-ce que s'il l'égorge, ce sera valable ? Deux questions différentes. Elles se ressemblent, mais c'est deux points différents. Donc il dit, Inch'Allah, son égorgement sera valable. Car lui, quand il l'a acheté, il était bien. Ça arrivait après. Qadarra ma shafa'al. Qadarra Allah ou ma shafa'al. Ça arrivait après. Il y a un histoire bien que le short, c'est au moment où tu la prends, la bête, tu l'as choisi. Enfin, toi, tu as un troupeau, tu ne prends pas celle qui boite. Tu ne prends pas celle qui est borne. Maintenant, tu es venu, tu l'as acheté. Parce que si jamais tu l'avais acheté, elle aurait été malade, elle aurait eu défaut. Tu l'as acheté moins cher. Une borne ne vaut pas le prix d'une. Qui n'est pas borne. Une qui marche bien n'a pas le même prix qu'une qui boite. Toi, tu l'as acheté un plein prix d'une bête sereine, saine, en bonne santé. Après, ça est venu une chose, après que tu l'as acheté. Là, il dit, c'est Inch'Allah, mais yujza, ça sera valable. Quand tu l'as pris, tu l'as choisi, tu as rempli les conditions. Après, c'est Qadar Allah ou Mashapa'al. Maintenant, celui qui est moins et qui veut refaire, il peut refaire, il a le droit. Mais il dit que lui, celui qui dégorge quand même, dernier, elle est valable parce qu'il se l'est procuré, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. ثم قال هل يجوز أن يبدل الأضحية بشيء خير منها؟ Et tu permets de changer l'adhiya pour une chose meilleure. En fait, il dit de prendre un animal meilleur que celui que tu as pris. Naam. Il dit ça, c'est un autre sujet encore. C'est ça revient à la masala du nazr. Il est ma ou afdal. C'est comme si tu as fait un vœu et après tu veux faire quelque chose de meilleur. Ou tu as fait un waqf. Et après ce waqf, tu veux venir avec quelque chose de meilleur que ton waqf. Par exemple, tu arrives avec des koutoub, tu remplaces des koutoub par quelque chose de mieux encore. Tu vois? Donc ça, il dit, c'est permis. C'est permis. De changer la chose par quelque chose de meilleur. C'est permis. Et le hadith, la preuve, c'est le hadith. Selon Jabir, عند أبي داود, قال يا رسول الله إني نظرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا. فسأله مرة أخرى فقال صليها هنا. استديع مكة. جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبو داود أو plutôt par أبو داود qui le dit au prophète صلى الله عليه وسلم que j'ai fait le vœu que c'est Allah te permet d'accord de conquérir Mecca de faire deux rakat al bayt al maqdis. Le Nabi sallallahu alayhi qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, fais-les ici, c'est-à-dire à Mecca. Après, Jabir lui a redéposé la question. Il lui dit, fais-les ici. Car la salat à Mecca, elle vaut 100 000 salats. C'est mieux qu'à Bayt al-Maqdis. Donc il a changé son vœu par meilleur. La salat ici sera meilleure encore. Donc fais-la ici. Ça, c'est une preuve que un offre, quand tu as fait un offre pour une chose, il y a juste là qu'un tati bima ou arsène minou. Tu veux quelque chose qui est meilleur. Donc demain, tu as pris par exemple un jazar. C'est quoi le jazar? Celui qui a 6 mois, parmi les ovins. Un agneau, mafalan. Et ta mitaniya, c'est pour notre hiya. Et après, Allah fatah alayk an ja'aka mal. Tu as eu de l'argent, par exemple. Et tu veux, non, je veux mieux encore. Je veux rendre l'agneau et je veux acheter un taureau. Mafalan. Est-ce que ça a le droit? C'est en fait la question. Il dit non, t'as le droit. T'as le droit. C'est ce qu'il dit. T'as un animal, tu l'as pris, après de l'animal, tu le vois, tu dis, te convient plus. Tu dis, je veux quelque chose de mieux. Tu le changes. Pour un plus gros, plus cher, comme tu veux. Ma fille, j'ai fait. ثم سئل إذا اشترى شاة بنية الأضحية وعينها وتركها ثم باعها ولم يشتري غيرها. Il a acheté un animal avec la niya d'en faire une adhiya. Ensuite, il a délaissé et il a vendu. Mais il n'a rien pris à la place. Avant qu'il le Nahr il vienne, il a revendu. Il dit, c'est quoi le hukm? Il dit, cela, ça ne convient pas à Mayaslah. Il dit, Mayaslah, car il ne l'a pas remplacé pour autre chose. C'est-à-dire, il l'a acheté, il a mis une nia après, il s'en est débarrassé. Vous voyez? Il dit, ça c'est khata. Il va dire, yurcha ali min al-ism. On craint pour lui du péché, d'avoir fait cela. Car après qu'il l'a acheté, avec une nia, il a dit, c'est comme un vœu, ou comme un waqf. Tu ne peux pas revenir dessus. Tu ne peux pas revenir dessus. Donc celui qui a fait ça, il a dit, on craint pour lui qu'il n'ait commis un péché. Est-ce que la femelle, de tuer un animal femelle, c'est valable? Non. Ça, c'est valable. La condition, car on a les conditions. D'accord? Car on a les conditions, c'est-à-dire l'âge. Et les conditions, le défaut. Il n'est pas le défaut. Elle touche là, elle unfa, elle hamil fil adhiya. Parce que la femelle pleine, qu'elle est également, est acceptée pour les sacrifices. La dinam. Et dit contre au fœtus, que dans son ventre, si jamais il sort vivant, alors on l'égorge aussi. Avec la mère. Même c'est wajib. D'accord, c'est wajib. Et après il va venir pourquoi. ثم سئل كذلك إذا خرج la question qui revient à sa réponse comme on expliquait des fois ça arrive il répond avant et les questions on va dire quand même إذا خرج الجنين ميتا ميتا هل يجوز أكله si jamais le fœtus il sort mort et tu n'es pas mieux de le manger d'ailleurs tu égorges la mère مثلاً et après en la dépeçant le fœtus il est mort. Il dit la réponse. Hadith Abi Sa'id, عند Ibn Hibban, وغيره. زكاة الجنين بزكاة أمه. Que l'égorgement du janin, c'est-à-dire du fœtus, équivaut à celui de la mère. Donc, si tu as égorgé la mère, c'est l'égorgement du fœtus. Ça va avec. Et donc, tu peux le manger, il dit. C'est-à-dire, si jamais tu as égorgé la mère, c'est que tu as égorgé le fœtus. Tu te trouves mort. Et que la mort, tu te trouves mort une fois que tu as égorgé la mère, la falane, Inch'Allah, il prend le jugement de la mère, comme tu l'avais égorgé aussi. Donc il est permis d'en manger. S'il veut, il le prend pour lui, s'il veut, il le donne à quelqu'un d'autre. Il en fait ce qu'il veut, ça lui revient à lui. Maintenant, est-ce que quelqu'un dise, ouais, mais s'il est mort avant, dans le ventre de la mère, il était mort avant qu'on l'égorge. Ça, on ne peut pas le savoir. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, on prend le hadith. Alors, on prend le hadith. طيب. ثم سئل هل يجوز بيع الجلود مثلا ذبح الأضحية وجاء ولده باع شيئا بعلمه. يعني est-ce qu'il est permis de vendre par exemple la fourrure, la peau, la laine de l'animal? Par exemple, son enfant il vient et il vend quelque chose de l'animal alors que le père est au courant. Par exemple, tu as égorgé toi un mouton et ton fils il vient, il prend la peau, il va la vendre. Mathalan. Il dit ça, mayajouz, c'est pas permis. Il ne faut rien vendre de cet animal. Rien du tout. Il doit faire tauba. Et bah, allez, tauba, le repentir. Thumma su'ila kadhalika ishtara adhiyatan famatat. ولم يستطيع أن يشتري غيرها. Qu'il a pris une bête pour le sacrifice et qu'elle est morte avant le jour du sacrifice et qu'il ne peut pas en acheter une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Que Allah n'impose pas une charge qu'elle ne peut supporter. Il a dit elle est morte. Il l'a fait comme vous voyez, il a fait les causes. Elle est morte avant. D'accord. Il ne peut pas la changer. Il ne peut pas en prendre une autre. Donc il dit Inch'Allah, il sera récompensé pour son intention. Et qu'on espère pour lui que c'est rendu comme valable, même si t'as pas fait. Car il comptait le faire, et après, c'est Allah qu'Akadar que l'animal il est mort. Ma hukm dhabh al-adahi fi al-musalla. Qu'en est-il du fait d'égorger l'animal au lieu de la salat, dans le musalla? Car comme tu le sais, à la base, le Eid, sur la télé Eid, la sunna, c'est pas là pour le masjid. C'est un musalla, عام, dans lequel tous les gens viennent, à l'extérieur. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الأضاحي في المصلى كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même l'a fait. Il est égorgé dans le musalla, comme cela fut rapporté dans le hadith d'Ibn Omar dans Sahih al-Bukhari. Il explique qu'il a fait cela pour enseigner aux gens comment faire, pour que tout le monde voit comment il fait, afin de pouvoir apprendre. En tout cas, même le Bukhari en a fait un chapitre. Bab al-Zabh bil-Musalla, l'égorgement dans le lieu de salat. Donc il n'y a pas de mal s'ils font cela, bien qu'aujourd'hui il ne fait pas de doute qu'il est difficile de le faire, que les gens égorgent dans le musalla. Aujourd'hui, personne ne le fait, et c'est, même si tu voudrais le faire, ce serait difficile. Naam, Wallah Musta'an. ثم سئل كذلك هل له أن يضحي لله في اليوم الأول شاة وفي اليوم الثاني شاة أخرى وفي اليوم الثالث شاة أخرى. Donc est-il permis d'égorger pour Allah le premier jour un animal, puis un autre animal le deuxième jour, puis un autre animal le troisième jour, هكذا. Il dit non, bien joué, c'est pas de problème. S'il a les moyens de le faire, il n'y a pas de problème, il peut le faire s'il veut. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à la fin de l'Ayyam Tashriq, il n'y a pas de problème, il dit. Voir le soul al-akhir, قال هل لو ان ضحي بخمسة رؤوس في اليوم الأول يوم النحر. Le type permet d'égorger par exemple 5 animaux le jour de Nahar. Chaque animal à lui. Hein? Il dit également, Naam, il y a Jouz. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait dit, il a égorgé 2 moutons à corne. Donc on est Anni ou An Ummati. Au moins pour Waman lam yathbah min Ummati. Mam Waman lam yudahi An Ummati. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec 2 moutons. Donc tu as le droit. Si tu as les moyens, Allah fataha alayka riskan, tu as les moyens de faire, tu peux faire. Ma fi mushkila fi hadha. Il dit même si tu peux plus que ça encore. Non, plus que ça. Et tout cela reste qurbat il Allah. Ça reste un acte d'adoration, de rapprochement vers Allah. Et là il dit, parmi les choses qui sont recommandées, mustahab, qu'il ne mange rien le matin de ce qui revient chez lui et qu'il mange de son animal. La sunnah, ça. Comme cela fut apporté dans le hadith de Buraïda et de Aïcha et autres que eux. Radiallahu anhumah. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى كان لا يأكل حتى يرجع من المصلى ويأكل من أضحيته. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne mangeait rien du matin, d'accord, et qu'après il revenait pour manger de ce qu'il avait égorgé. Là il y a une mas'ala que souvent les gens ils citent, et en fait il n'y a pas de dalil, c'est le fait de manger le foie en premier. Il y a des, je ne sais pas s'il y a un hadith qui est venu partir, mais des gens pensent que le prophète صلى الله عليه وسلم a mangé le foie cru directement après égorger. Et de ce que j'ai trouvé des ulama, c'est qu'à la base, le dalil, je ne l'ai pas trouvé là-dessus. Enfin, même, je ne l'ai pas trouvé. Mais ils disent que c'est des fuqaha, ils ont vu qu'on mange le foie en premier. C'est tout simplement parce qu'il est plus rapide à faire cuire et à manger. C'est tout. Donc, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ait mangé cru, comme ça, le dalil, il y en a marre, le foie. Je ne le connais pas. Et ce que j'ai cherché, il n'y a aucun cas cité que c'est une sunna et qu'il l'ait fait. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai beaucoup entendu ça auparavant. Non. Même chez Madame, je l'avais entendu. Il me semble que même chez Yahya, il a dit qu'il n'y a pas de dalil là-dessus. On mange des fois cru comme ça direct. Ou d'en manger plutôt. Croquer un bout. Ce que j'ai trouvé, c'est que les ulama disent non, tu commences par le foie par exemple parce qu'il est plus rapide à cuire. Alors que tu as égorgé l'animal, tu as le foie. Tu peux le faire cuire vite fait. Ça prend pas de temps. Non. Afada. Donc là on a fini, alhamdulillah, c'est ce qui se répond de Cheikh Mohammed ibn Hizam. Inna sallallahu an yanfa'a bima sami'na wa qulna wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.